كريم عميد مريم سلم الله مرحبا بك اذا عجبك كريم فيكتوار ميريتي اليوم دور مي on s'est battu jusqu'à la fin, et voilà, c'est 3 points importants pour nous sur la course au play-off et on est toujours dans le coup. C'est un match très difficile et un peu très serré. Ouais, c'est un match très tactique aussi, oui. Ils ont fermé, on a bien fermé aussi, et ils ont perdu le compte. Et nous, on voulait faire le match vite, et le problème, c'est qu'ils sont privés de chaque erreur individuelle pour reporter leur contre-attaque. À un moment, 3-2, votre équipe, il a hésité un peu. Il n'a pas vraiment gagné le match. Ouais, non, on savait qu'on ne devait pas se lancer non plus, parce que leur but à eux, c'est de porter notre contre-attaque. Donc 3-2 pour nous, c'est toujours 3 points. Donc on a écouté les consignes du coach, le but de ne pas de chanter sur eux directement. On a tout donné comme à chaque match, comme chaque vendredi, on donne le maximum. Et voilà, quand le résultat est au bout, ça fait toujours plaisir. Inch'Allah.